Isocèle, Héloïse le Sage. Les vacances, il était temps. Direction la mer, le soleil, la chaleur du vieux boucau. Mon fils qui vient d'atteindre l'âge de raison rechargera mes batteries d'amour. Et Jérémy, lui, se chargera de mes batteries de cul, et réciproquement. Jérémy, c'est un homme dans chaque port. Sauf que je n'ai qu'un port, et qu'il est ici dans les Landes. Ici, il est une espèce de géo dans ce club de vacances. L'animateur me réserve toujours de la bonne humeur. La joie est chez lui un état de survie. Veuf depuis presque 10 ans, il élève seul sa fille adolescente. Nous arrivons sur le camp, mon petit homme et moi, et filons directement à la plage. Il est 18 h. Je suis encore maman. La mante est restée dans la valise, dans le filet à petite culotte. Un coup d'œil à 360 degrés pour tenter d'apercevoir Jérémy quelque part. Rien. J'étale nos serviettes et surveille Marius s'éloigner pour tester l'océan. Je sors mon téléphone de mon sac, hésite à envoyer un petit message à Jérémy. Je l'avais prévenu de mon arrivée, mais j'ai peur qu'il m'ait oublié. Je range mon portable, ça attendra. Cette année, en plus d'avoir décidé que ce serait la fête du slip, j'ai aussi décidé de m'offrir la pension complète. En arrivant dans le réfectoire, j'aperçois au loin Jérémy. Il discute avec 2 hommes. Je n'ose pas m'incruster. Je suis pourtant si impatiente. Bon, ça attendra encore. C'est marrant comme il m'intimide toujours, alors que la dernière fois qu'on s'est vu, je chevauchais son visage. Monsieur est un excellent bouffeur de chatte qui aime autant dominer qu'être soumis. Et ses parties de jambes en l'air facilement modulables participent au charme de cet homme. Il finit par se retrouver juste à côté de moi sans m'avoir reconnu ni même regardé. Je me sers volontairement des mêmes crudités que lui. Le bouscule et simule. « Oups, pardon !»« Oups, c'est pas grave » dit-il, juste avant de percuter que c'est moi. « Oh, Héloïse, quelle magnifique surprise de te voir dans ma contoche !» Moi, je ne réponds pas, je souris, connement. « Ah, désolée de ne pas avoir proposé de t'accueillir, » poursuit-il. « La saison haute, c'est chaud. »« C'est pas grave, t'es libre ce soir ? Chez toi ou chez moi ?» Il répond avec autant d'espièglerie que de vice, ce qui me fait éclater de rire. « Chez moi ?» je réponds. « C'est mieux, je n'ai personne pour me garder, Marius. » « Parfait. » Envoie-moi un petit texto avec le numéro de ton bungalow. 21 h 30 ? Très bien. Bon appétit. 21 h 30. J'ai envoyé mon fils au lit. J'ai mis une jolie culotte et j'ai fait péter la boîte de capote. Ça toque à la porte. J'ouvre. Le sourire de Jérémy irradie de bonheur. Il se baisse, m'attrape sous les fesses pour me porter. Je suis à presque 1,90 m du sol. Il me fait tacitement une belle démonstration de force. J'adore. J'accroche mes jambes à sa taille et l'embrasse langoureusement. Mes doigts se faufilent dans ses cheveux mi-longs, aux ondulations rendues indisciplinées par la mer, le vent et le sel. « Tu ne devrais pas faire ça, tu vas te casser le dos, j'ai grossi. » Il me repose tout doucement. « Tu vas me montrer ça, » ironise-t-il. Tu sais ce que je leur fais, moi, aux grosses vaches dans ton genre ? Je prends mon air de petite fille prise la main dans le sac de bonbons. Vous leur mettez la fessée, monsieur ? Nous y voilà, dans notre pièce de théâtre préférée. Jérém et Hello, acte 2, scène 1. Je me retourne et lui montre mon dos. Mon index posé sur le coin de ma bouche fait bâiller ma lèvre inférieure. Il soulève ma robe d'été. Regarde ma culotte transparente et je sens déjà son souffle trahir son excitation qui naît à la vue de mon cul. « Oui, parfaitement, la fessée !» se reprend-il. Il glisse ses doigts sous ma dentelle pour la baisser et la laisse à la hauteur de mes genoux. Il se colle à moi, palpe la graisse de mon cul. « C'est gras, ça » m'humilie-t-il. Il touche mes fesses, les pétrit sévèrement. Son autre main passe devant. J'écarte les cuisses pour dessouder mes lèvres. Il tire un peu sur mes poils. C'est une douleur exquise. et ses doigts se mettent à patauger en moi. Mais c'est qu'on aime ça, petite vicieuse. Je tourne mon visage vers le sien et chuchote un « oui » suppliant. Brutalement, il fait passer ma robe par-dessus ma tête. Je me retrouve nue, les genoux liés par ma culotte. Lui est toujours vêtu, de son t-shirt aux couleurs du club et de son badge « Jérémy ». Du coin de l'œil, je le regarde sortir sa grosse queue de son bermuda et enfiler un préservatif. Je penche mon buste au-dessus de la table et me retrouve à l'équerre. J'espère que mon fils ne se réveillera pas. 9h du matin. Jérémy est parti au milieu de la nuit après des retrouvailles percutantes. Aujourd'hui, jour de l'inscription au club junior pour Marius. Ainsi, j'aurai mes quelques instants d'indépendance. La file d'attente est longue. J'entends un homme débarquer derrière moi. Il crie après ses enfants. Je me retourne discrètement. Je vois deux petits garçons et un père qui a l'air désemparé. Ils croisent mon regard et me demandent si c'est bien la queue pour faire l'inscription du centre junior. Il y a tellement d'impatience dans son intonation. Je connais ce désespoir. Je lui réponds que oui. Je lui demande quel âge ont ses enfants, si c'est la première fois qu'il vient dans ce club. Que moi non et que je pourrais éventuellement lui suggérer quelques trucs à faire. La queue avance. Nous discutons. Son visage se détend finalement. Mon tour arrive. Je lui souris. À bientôt, je pense. Le fait est que cet après-midi, alors que je suis échouée sur la plage, j'entends le même chahut que ce matin. L'homme et ses deux enfants dissipés. Je me retourne. Il m'aperçoit et semble s'en réjouir. « On peut ?» me demande-t-il en désignant le mètre carré restant à côté de moi. « Bien sûr !» je lui réponds, ravi. « Il est plutôt bel homme. Très même. De beaux cheveux poivre et sel. Lorsqu'il enlève son t-shirt pour se mettre en maillot, je devine un homme qui s'est oublié avec la paternité. Des poils gris recouvrent le haut de son corps grassouillé. Son caleçon de bain est trop serré, sûrement plus que le jour où il l'a acheté, il y a 10 ans peut-être. La chaleur qui cogne sur ces quelques ravissants kilos en trop le fait suer de partout. J'ai toujours eu un faible pour les hommes qui transpirent. Il s'assoit et me demande d'une voix douce « Ça va ?» Je réponds « Très bien, merci. » Bien vite, on se rappelle que nous ne nous sommes même pas présentés l'un à l'autre. J'ai donc affaire à Sébastien, 39 ans, prof de maths à Vénissieux, tout près de Lyon, en instance de divorce. Je sens de la colère dans sa voix. Je préfère ne pas attiser une éventuelle douleur en lui posant d'autres questions sur ce terrain. « Bienvenue dans le clan des parents célibataires !» lui dis-je d'un ton enjoué en lui serrant la main. Et j'emboîte sur ma présentation à moi, à Marius. Nous discutons longtemps, en surveillant à tour de rôle les enfants. Il a un beau nez tout fin, avec de jolies taches brunes qui viennent s'étaler jusqu'aux tempes. Une lèvre supérieure fine, celle du bas, et charnu, à souhait. Nous rions, nous sommes bien. Nous ne nous préoccupons pas de l'heure qui tourne. Je suis très vite à l'aise avec lui. Les enfants viennent piocher dans la boîte à goûter. Je me rends compte de l'arrivée du soir à la lumière changeante, aux gosses qui commencent à grelotter et leurs lèvres à devenir violettes. Puis, sans que je le voie venir, Jérémy se plante devant nous avec son kitesurf, sourire aux dents du bonheur radieux. Limite cheveux au vent. J'introduis l'un à l'autre, puis vice-versa. Mon bout en train s'accroupit en me précisant qu'il n'a pas beaucoup de temps, mais qu'on pourrait peut-être se retrouver tous les trois après le dîner, disons 21h30. Après avoir dîné avec Seb, ça y est, nous sommes inséparables, je me retrouve dans son bungalow. Les enfants regardent la télé dans sa chambre. Il fait chauffer de l'eau pour du thé. On se tourne autour, faisant timidement des sous-entendus. Je ne résiste pas à son charme, qu'il ignore totalement. Il me pose des questions au sujet de cette relation avec Jérémy. Il est qui ? Mon cœur s'emballe, j'ai peur de passer pour la salope du siècle. Je bredouille. C'est mon amant. Puis je poursuis. Je le vois à peu près 2 ou 3 fois par an, quand je descends, quand il monte. Sébastien hoche la tête sans dire un mot. Il encaisse. J'ajoute, mais nous sommes très ouverts, hein. Il a ses histoires, moi les miennes, et on se protège toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Il me fixe, m'interroge du regard en haussant un sourcil. Putain que ses yeux sont beaux ! D'un gris intersidéral. Je suis décontenancée. Je lui souris, joue la fille énigmatique en cachant qu'au fond j'ai peur de l'avoir perdue en passant aux aveux. J'allonge le bras. Ma main vient effleurer la sienne. Mon pouce vient timidement caresser le sien. Mon cœur cogne dans ma cage thoracique. Jérémy frappe à la porte. Je manque faire une crise cardiaque. « Quand on parle du loup, » me dit Sébastien. Je me garde bien de répondre qu'on en voit la grosse queue. Jérémy brandit deux bouteilles, tout fier de lui. Projet tisane avorté. On s'installe tous les trois autour de la table ronde. On boit. On boit beaucoup. Jérémy se roule en joint. Je le crapote. Sébastien s'abstient. Les hommes font plus ample connaissance. Nous poussons la conversation, parlons cul. Jérémy explique sans aucun complexe qu'il adore qu'on lui touche l'anus, qu'on le lui lèche, qu'on lui enfile des doigts, voire plus. Mais t'as pas un peu l'impression d'être un PD ? Demande Sébastien, fasciné. Un PD ? Ben non, j'aime trop les chattes. Par contre, je crache pas sur un joli garçon, j'ai rien contre. T'es bi, poursuit Sébastien. Absolument. Un éclair de génie s'abat dans mon cerveau à ce moment, alors que je suis parfaitement saoule. Jérém et Hello, acte 2, scène 2. Le plan à 3. Jérémy m'avait dit qu'il lui arrivait d'avoir des aventures avec des hommes, mais j'avais oublié en fait. Mon amant prend la bouteille avec ses grosses mains et la tend à Sébastien. Je t'en remets ? Je ne sais pas si c'est raisonnable, répond Sébastien. Oh, ça va aller, dit Jérémy en le resservant. Juste un doigt. J'en veux aussi, dis-je en soulevant mon verre. Nous buvons notre dernier verre. J'arrache Marius à ses nouveaux amis et nous quittons le logement de Sébastien. Jérémy propose de me raccompagner. M'embrasse, entre. Je couche Marius et rejoins Jérém dans le salon. Il est bien bourré. Installé en travers du canapé, il sort son sexe. Putain, ça m'a excité cette petite conversation qu'on a eue. Et puis ton Seb, là, avec ses beaux yeux et ses petites taches de rousseur, Puis, se met à se branler. Comme pour finir sa phrase, je le prends en bouche, le chevauche, le baise, avec une rage masculine. Tous les jours se ressemblent. Je voudrais que cette semaine dure un mois, voire plus. Au programme Sport le matin avec Sébastien, nous nous encourageons mutuellement à courir ou à participer aux cours de gym. Après-midi plage avec Sébastien, soirée avec Sébastien et Jérémy. On s'organise. La fille de Jérémy babysite Marius et les garçons de Seb le soir, ce qui nous permet quelques excès d'alcool, de discussions thérapeutiques, de poursuivre petit à petit cette conversation autour de la curiosité très prononcée de Sébastien sur la sodomie masculine. Le dernier jour, Jérémy lui lance « Moi, je veux bien te déflorer le cul » avec sourire en coin. Seb me regarde et rit doucement. Un rire qui se demande « C'est du lard ou du cochon ?» Je ne saurais répondre. En revanche, je mange volontiers de ce pain-là. J'ajoute « Jérémy est un excellent baiseur. Il est très tendre quand il le faut. » Sa turbine à fond dans la tête de Sébastien qui tire frénétiquement sur sa cigarette. Sébastien nous raccompagne jusqu'à sa porte. En lui faisant la bise, je lui glisse. Si jamais tu voulais... Enfin, tu sais. Jérémy se plaque derrière moi. Je me retrouve coincée entre les deux hommes. Mon amant encercle ma taille avec ses grandes mains, m'embrasse le cou. Il continue tout haut ce que je pensais tout bas. Si tu veux te joindre à nous tout à l'heure, tu es le bienvenu. Tu vois où est le bungalow d'Héloïse ? Seb fait oui de la tête. Jérémy remonte ses mains sur mes seins, les agrippe fermement. Il les malaxe effrontément devant Sébastien, dont le regard incrédule fait la navette entre mes yeux, mes seins, Jérémy. Je savais ce que je voulais, mais je ne pensais pas que mon amant irait si vite. J'ai peur que Sébastien réagisse mal à cette démonstration. Mais je suis très excitée. Ma respiration est bloquée. Mon cœur bat fort dans la main de Jérémy. Il pétrit si fort ma poitrine qu'une bretelle tombe, faisant apparaître un sein. Sébastien s'empresse de regarder mon téton se dresser devant lui. Jérémy le comprend et fait tomber la deuxième bretelle pour lui exhiber ma poitrine dans son intégralité. Il la malaxe de plus belle, tire sur mes tétons et s'adressant à Seb. « Elle est pas bonne, hein, cette petite Héloïse ?» Sébastien n'en perd pas une miette. Je suis affreusement gênée. Je baisse les yeux. Je constate alors une merveilleuse trique dans le caleçon de plage de Sébastien. Je me délecte de ce supplice et pousse un soupir. Jérémy met fin à sa caresse, remonte mes bretelles. Nous laisserons la porte ouverte, on te laisse le choix. Nous le plantons là et nous ruons vers mon logement. On s'arrête parfois sur le chemin pour nous embrasser follement, en nous faufilant quelques doigts dans le slip. Putain, je t'ai jamais connu aussi humide. Le fait est que je suis très excitée d'avoir été exhibée ainsi. Nous arrivons et nous déshabillons mutuellement rapidement. Les rideaux sont fermés. Je les rouvre de quelques centimètres dans l'espoir que Sébastien nous entrevoie et qu'on lui donne envie. Jérémy déplie le canapé-lit et se précipite dessus. Je me jette sur lui. Je descends jusqu'à son bas-ventre et commence à le sucer. Il se redresse sur ses coudes pour me regarder œuvrer. Je me campe sur mes genoux pour surélever mon postérieur et écarter les cuisses, au cas où notre visiteur ferait son apparition dans mon dos. Mon amant me flatte sur mes compétences de suceuse, se plie pour me pétrir les fesses, les claquer. Derrière ces bruits salaces de succion et de fessée, il me semble avoir entendu la porte d'entrée. Prendrai-je mes rêves pour des réalités ? Jérémy soulève la base de sa queue pour me présenter ses couilles. Je les gobe immédiatement avec appétit. Ma langue se perd sous ses plis et replis humides et poilus. Repu de sa chair élastique, j'attire à nouveau son gland tendu vers mes lèvres et me remets à le sucer. Sont-ce des bruits de pas derrière moi ? Je ne préfère pas briser ce suspense qui me grise et continue à sucer, me tortillant mon fion. Je coule. Je n'en peux plus d'attendre, je sens un souffle chaud, puis, toujours dans mon dos, le murmure d'un homme. Juste le doigt. Aussitôt, le doigt d'une main intruse s'enfonce au cœur de mon vagin qui se resserre. Je gémis tant excitée par la scène que par le plaisir d'avoir enfin quelque chose en moi. Instinctivement, je me retourne. Sébastien est agenouillé à quelques millimètres derrière moi. Sa tête est pile en face de mon cul, qu'il regarde d'une curiosité presque maladive. Sa bouche est ouverte, ses yeux écarquillés. Il fait aller et venir son doigt, en plante un autre. Je gémis de plus belle. Comme une invitation, je me cambre et écarte davantage les cuisses. Seb fait sortir ses doigts. Je replonge le sexe de Jérémy dans ma bouche. Je peux distinguer le bruit du latex qui s'enfile sur une verge que je n'ai encore jamais vue, jamais touchée. Jérémy encourage son nouveau partenaire. « Vas-y, prends-la » et me bâillonne avec sa grosse queue. Je sens deux doigts tâtonner et d'un seul coup de rein, Sébastien pénètre ma chatte jusqu'à la garde. Mon hurlement de plaisir est étouffé par cette queue encore au fond de ma gorge. Une fois le divin électrochoc passé, d'être comblé de bas en haut, je tente de prendre un rythme de croisière. Ce rythme est impossible à maintenir. Entre cette queue veineuse que je pompe et cette levrette surréaliste, ils me maintiennent tous deux perpétuellement au bord de l'orgasme. Rien que le tableau manque de me faire chavirer à chaque instant. Ce vide qui m'est inconnu et me possède me remplit parfaitement. Toute l'empathie que je ressens pour cet homme fraîchement séparé réveille une profonde tendresse en moi. Mon ventre l'enserre amoureusement. Je me désintéresse un instant de ma fellation pour contempler Sébastien qui s'acharne sur moi rageusement. Jérémy se désolidarise, nous regarde en se branlant. J'en profite pour me retourner et faire face à Sébastien. Son érection se tend vers moi. Enfin, je la découvre. Elle est grosse, pas très grande, comme son propriétaire, à mon goût. Je la flatte quelques secondes, elle et ses couilles, puis finis par me la renfoncer dans la chatte. Sébastien commence à faire quelques allers-retours en m'écartant les genoux. Son regard, empli de concupiscence, me boit tout entière. Mon sexe poilu, mes petits seins, mes yeux, mes lèvres qu'il vient embrasser pour la première fois. Il découvre le contact de ma langue sur la sienne. Puis, je m'étends sur le dos, pendant que Sébastien s'obstine à vouloir toucher mon fond. Sa sueur me coule dessus. Je l'accueille avec plaisir, la respire. Mes doigts se glissent entre ses fesses. Là, ses yeux se plantent dans les miens. J'y perçois son envie que je les enfonce plus loin. Je frotte mon index dans son sillon fessier pour me l'enduire de sa transpiration. De la pulpe, je commence doucement à caresser son petit trou timide. Il est très sensible, il réagit quand j'appuie. Il en veut clairement plus. Je me tourne vers Jérémy. D'un signe de tête, je lui fais comprendre de venir s'occuper du petit cul affamé de Sébastien. Le corps d'Apollon que Jérémy entretient et qui fait l'unanimité chez les gays et les filles hétéros se poste derrière Sébastien. Je comprends que Jérémy travaille le cul de notre invité. Seb ralentit sa cadence en moi, profite des caresses que lui prodigue Jérémy. Il se retrouve dans le même état que moi tout à l'heure, rempli de part en part, ne sachant plus où donner de la tête. Il se met à gémir bruyamment. Je pense que Jérémy fait aller et venir un ou deux doigts dans son cul. Je sens que ce n'est plus trop le moment de me faire baiser. Je me glisse sur le côté, cédant la place à Sébastien pour qu'il se penche légèrement en avant. Je retire sa capote. Jérémy, lui, s'en enfile une. Je profite du vide qu'il crée pour carrer un doigt dans le cul à présent bien souple de Sébastien. Mon autre main le branle. Ma bouche le suce. L'Apollon revient, sa queue gantée dressée vers le ciel. Mon Dieu, deux grosses bites devant moi. Je reste sur le lit. Sébastien a les pieds posés sur le sol. Il se penche, pose ses mains sur le matelas. Jérémy ferme le cortège debout, derrière Sébastien. Je viens embrasser la bouche de notre invité qui soupire, gémit. Je crois que son initiateur est en train d'essayer de l'enculer. Je me décale pour voir un peu. Oui, c'est ça. Ses mains sont posées sur les fesses de Sébastien qui l'écarte. Il y va par à coup, tout doucement. Je vois aux grimaces du guide qu'il a du mal à entrer. Mes mains viennent s'ajouter à celles de Jérémy, écartant davantage le cul du prisonnier. J'approche mon visage et viens déposer un long crachat sur l'anus. Jérémy s'en badigeonne le gland, qu'il finit par enfoncer, ce qui fait crier Seb. Enfin, on y est. Ils s'immobilisent quelques secondes. C'est leur moment. Les regarder ainsi m'excite terriblement. Sébastien est le premier à bouger, tout seul. Il s'empale sur la queue de l'Adonis. Ils gémissent tous les deux. Jérémy est au bord de l'orgasme, je le vois à ses grimaces, caractéristiques qu'il a quand c'est moi qu'il baise. Tu m'étonnes, ça doit être tout serré là-dedans. Il me donne envie de me faire bouffer le cul. Je me replace devant Sébastien, me colle à plat ventre sur le matelas et ne soulève que mon cul. Il y engouffre immédiatement son visage, me le lèche, me le dévore. Il se redresse un peu pour mettre ses mains sur mes fesses, les écarte, lappe ma fente ouverte. J'en veux plus, je veux me faire prendre moi aussi. J'attrape un préservatif, je redresse Sébastien comme un mannequin. Jérémy accueille son dos contre ses abdominaux. Leur équilibre étant mis en péril, ils arrêtent leur va-et-vient. Jérémy descend une main sur la queue de Seb, il commence à le branler comme s'il se branlait lui-même, en remuant doucement sa queue dans le rectum de Sébastien. Il souffle comme deux ours en rut, transpire. Je protège Sébastien de latex et cale de nouveau ma croupe levée vers sa queue. Le coquin essaie de se frayer un chemin dans mon trou du cul. « Non, pas moi », je lui dis, je rectifie le tir moi-même. J'introduis son bout à l'oreille de mon vagin. Je l'enfonce en moi car il ne peut pas trop bouger. Ses mains sont calées sur mes larges hanches et je ressens, comme en écho, les coups de rein de Jérémie. Il lime vigoureusement le cul de Sébastien qui vient à chaque coup percuter son bassin et sa bite en moi. Mon index vient narguer l'enculé en s'introduisant dans mon anus juste sous ses yeux. Mon autre main se frotte sur mon clitoris. Je jouis, je hurle si fort que mon doigt sort naturellement de mon cul. Peut-être que Sébastien ressent mes contractions sur ses corps érectiles. Il sort rapidement sa queue, retire le latex et jute sur mon cul. Les ondes de plaisir se répandent sur la bite de Jérémie. Il grogne, jure, jouit en défonçant ce petit cul une bonne fois pour toutes. Je ressens le poids et la jouissance des deux hommes sur mes hanches qui servent de socle à notre union nouvelle et déjà passée. Dans le train, les douloureux et agréables stigmates de cet ébat se font sentir sur mes fesses. Je rêvasse à ce plan à trois qui est mon tout premier. J'ai cet éternel pincement au cœur qui se crée lorsque Jérémy et moi nous disons au revoir. Aujourd'hui, il est amplifié par le fait que je me sépare également de Sébastien. En regardant sur la carte de France pour évaluer la distance qui nous éloigne les uns des autres, je souris en réalisant que nous formons tous les trois un triangle isocèle. J'espère que nous nous reverrons au Vieux Boucau, à Vénissieux ou à Paris.